Salut tout le monde, moi c'est Cécile Menace et je reviens pour la deuxième partie de ce podcast Frankenstein sur les Actual Play. Pour cette deuxième partie, j'ai pris le temps d'écouter toutes les interventions et d'écrire ma réponse. Toutes les interventions précédentes m'ont permis de comprendre une chose. Une nouvelle branche vient de pousser sur l'arbre-monde du jeu de rôle. Après le GN, le jeu de rôle à large partage d'autorité, le jeu en ligne, les jeux indie, l'OSR... L'actual play se développe. Comme le chante Felondra, le jeu de rôle est protéiforme, et à chaque incarnation, le « c'est pas du GDR » est brandi. Pourtant, Volson, Thomas ou Jean-Michel Abrassard parlent bien de jeu de rôle, de type de maîtrise, de jeu en performance. Zenek, Mathieu B ou Felondra évoquent des parties brutes avec des silences, des bafouilles ou encore des bruits de jet de dés. Beaucoup de ces aspects sont rencontrés à nos tables. Chacun comprend ce qui se passe dans les parties lorsque les joueurs évoquent des points de règle ou réfléchissent à haute voix. De la même manière, on a tous rencontré des discussions méta ou hors-jeu, comme dans certains actual play. Mais pour certains, ça ne fait que ressembler à ce que nous vivons à nos sessions. Pourquoi ? Pourquoi certains affirment que ce n'est pas du GDR ? Pourquoi doutent-ils de la véracité de ces parties ? Parce qu'il y a du public, contrairement à nos tables. Parce que c'est donné à voir et à entendre. C'est même l'un des buts premiers des actual plays. Julien, Rémi, Fibre Tigre et tous les autres podcasteurs l'affirment. C'est donc un spectacle et nous l'écoutons comme tel. En voiture, dans un fauteuil, avec une écoute attentive ou en fond sonore. C'est du divertissement. Et parce que c'est un spectacle, nous, les auditeurs, nous sommes étrangers au maelstrom des joueurs tel que le définit Romaric Briand. C'est vrai. Pourtant, il peut y avoir une immersion dans la fiction, comme le jeu secondaire qu'évoque Thomas. Un peu identique à celle du joueur qui écoute son MJ faire une cinématique. Sauf que là, pour l'auditeur, il y a plusieurs MJ. Et même dans certains actual plays, il y a des interactions entre le public et la partie. J'aimerais aussi faire remarquer que Piouf, Fibre Tigre ou même Volson affirme utiliser les actual plays comme un moyen de s'exprimer, de partager, d'inspirer. Ils en font un moyen d'expression artistique. Il est d'ailleurs question d'acting, d'émouvoir les auditeurs, de parties brutes ou montées. Felondra et Angel Dust évoquent le jeu de rôle comme une création éphémère, un happening en sorte. Le jeu de rôle deviendrait donc un art pouvant faire l'objet d'études, et les actual plays seraient un type particulier de cet art. Donc pour moi, les actual plays sont ce que l'escrime de cinéma est à l'escrime de compétition et de club. Une discipline à part et un spectacle. Les actual plays sont une nouvelle discipline du JDR, avec ses codes, ses intentions, ses rythmes, ses responsabilités, comme le souligne Thomas. En cherchant à grossir le trait, je dirais que les actual plays sont comme le catch. Du JDR pour les participants, un spectacle pour les auditeurs, une création artistique pour le metteur en scène ou le réalisateur. La question de Thomas en début de ce podcast était « En quoi les actual plays ont transformé le JDR ?» Je répondrai « Ils l'ont transformé en plantant un nouvel arbre dans la forêt du jeu de rôle. Celle-ci vient de s'agrandir une fois encore et devient plus large dans ses moyens d'expression. Le jeu de rôle sur table, en ligne, le grandeur nature, le jeu par forum, épistolaire, et maintenant en spectacle. Notre loisir continue d'évoluer, et une fois que ces pionniers auront défriché de ces nouveaux horizons, certains viendront l'occuper, tandis que d'autres l'étudieront pour comprendre encore mieux ce qui se passe lorsque nous jouons des rôles. Je vous remercie de votre écoute, je remercie chaleureusement Thomas et tous les autres participants pour avoir exprimé leur opinion, et ainsi avoir enrichi ma pensée, et je l'espère celle des auditeurs.